Bonjour, c'est le shutdown. C'est le shutdown. Il y en a qui n'aiment pas ça quand je parle de ça. Mais je vais parler de plein d'autres choses. Je vais parler de plusieurs affaires. Plusieurs affaires, parce qu'on me prend un peu pour. Bon. Vous allez voir, ça va être drôle. Donc, moi, ouais. Puis là, on nous ramène ça, là, le 51e état. C'est de retour, ça. Donc, il va sûrement encore parler du Groenland. L'affaire, les dernières cartes du Club de Rome, la zone 1. La zone 1. Le champion antimondialiste qui vous précipite dedans. On ne peut pas dire que c'est pas parfait. C'est bien fait. C'est très bien fait. Vraiment. Là, il y a l'euro numérique qui s'en vient. On va avoir aussi quelque chose du genre. Mais ça va être la zone 1. Si jamais ça arrive, c'est supposé être comme ça. Bien entendu, il est supposé avoir d'autres choses mondiales. De toute façon. Il y en a sur la vie, le club de Rome des vieilles affaires. Non, non. Ils ont la même présidente depuis 2018. Puis c'est ça, là. Il n'y a personne qui a remarqué ça. Cette obsession qu'il y a pour le Groenland, puis le 51e État, que ça fit avec. Puis les gens étaient au niveau de la cybernétique, les technocrates qui veulent se servir de l'IA puis de la cybernétique pour appliquer par rapport à l'eugénisme. Il n'y a personne qui en parle, hein? Ça vient un petit peu plus d'Angleterre, mais c'est tout pareil. C'est comme les têtes couronnées du Danemark puis de Suède. Que il y a bien des affaires qu'on sont discrets, ils sont discrets. C'est toute la même affaire. C'est dommage, mais il reste que c'est démontrable. C'est démontrable. L'affaire, il nous faut à tout prix le 51e État puis le Groenland. C'est pas un hasard. C'est quand vous voyez les soupers avec Bill Gates, puis là, les grosses félicitations. Hein? I was honored to have Albert be the first. He's done a fantastic job with, as you know, with the COVID. He did a fantastic job with a lot of things. He's a leader, and Pfizer is right at the top. You know, it's there. Eli Lilly has been fantastic also, your friend, my friend. And they're all coming in over the next week. We're making deals with all of them. C'est le fun, hein? C'est le fun. Moi, je ne demande pas aux politiciens qui soient extra-lucides ou qui aient accès à des niveaux de conscience extraordinaires. Je demande juste d'être cohérent et honnête. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande, mais c'est trop demandé. Déjà là, c'est trop demandé. Ils vont tout le temps rationaliser que il n'est pas si pire que ça, Trump. Là, le shutdown, il y a beaucoup de fonctionnaires démocrates qui vont perdre leur job. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça, ben ils vont le faire pareil. Parce que c'est une dictature. Bien plus que le Québec était pendant la pandémie, ça se compare même pas. J'ai une de mes tantes qui était à Memphis. Elle avait fait tout le Tennessee. Elle revenait de Memphis, puis elle me disait comment c'est beau, comment les gens sont charmants, comment c'était bien. Puis quelques jours plus tard, Trump fait entrer il fait entrer la garde nationale à Memphis. En déclarant au monde que c'est parce qu'il y a un écoutat d'insurrection. Puis oui. C'est une dictature. C'est ici aussi, mais c'est soft ici. Là, c'est en train de devenir une dictature pure et dure, l'autre bord. Mais on a du monde qui approuve ça. Trump, il va venir nous sauver. C'est tout du pareil au même. Il nous sauver de quoi? D'eux-mêmes? C'est tout pareil. Donc, c'est pas comme ça que la sélection de nos amis eugénistes va se faire. Autrement. Vous pouvez compter sur les nouvelles technologies pour aider à faire les tri. Donc, par rapport à le supramental, puis toutes ces affaires-là. J'ai tout le temps, dès le début, pas mal dit ce que je pensais. Même, faut que je considère que ce soit utile parce que c'est, il y a rien de bon qui peut en sortir dans le sens où ça peut juste m'attirer des problèmes. D'oser dire ça. Mais il reste, c'est ça, j'ai vu. Puis ce serait pas honnête de pas le dire. De pas honnête de pas le dire que on est dans de la croyance puis de la superstition en grosse partie, en très très grosse partie. Ils ont remplacé Dieu par la conscience supramentale ou le principe de l'esprit. Ils ont remplacé l'ange gardien par le double. Ils ont remplacé les démons par les entités de l'astral. Puis ils ont remplacé la sorcellerie par la télépsychie, quelque part. Dans le sens que il peut pas faire autrement que d'avoir des malentendus comme les sorcières de Salem, parce que c'est à travers une lorgnette déformante. C'est-à-dire, s'il y a de quoi qui fait pas l'affaire, ils vont tout de suite considérer une entité astrale, comme anciennement on dira, il y a un démon. On fait quoi, là? Parce qu'on n'est même pas sur la même planète, là. On n'est plus sur la même planète, pas en tout. Pas en tout. À un moment donné, pendant 2 ans de temps, j'étais un maître noir qui allait être dévoilé en temps et lieu. Vous avez remplacé le perron d'église, les commères de perron d'église par Facebook. Puis ça délire. En roue libre. Ça délire pas à peu près. Il reste que il y a rien qui peut sortir de bon de ça. Au niveau, si on prend, moi si je regarde un peuple, puis que je m'intéresse à la pérennité d'un peuple, d'essayer de prédire ce qui va arriver, je regarde le contexte historique, je regarde le contexte par rapport à l'économie, les ressources, mais je regarde aussi des données comme l'instruction moyenne, la démographie, ce genre de choses-là. Donc, au niveau aussi des aspects d'un peuple, il va d'habitude y avoir par rapport au niveau sociologique, le religieux. L'affaire, c'est que si on enlève quelque chose va venir le remplacer. Ça peut pas faire autrement. Puis ça, il y en a qui sont pas contents, considèrent que j'ai viré ma veste de bord. Puis là, je défends le catholicisme. Puis j'ai jamais été défenseur de l'autorité humaine en elle-même, mais je suis défenseur des bases sociologiques par rapport à l'occupation d'un espace public, d'une territorialité de la part d'un peuple, parce que sinon, il y en a d'autres qui vont venir et vont la prendre. Puis c'est exactement ça qui se passe. Mais ça, il n'y a personne qui allume que ça fait partie de... Ça fait partie de... Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des affaires de penser un peu sectaire comme le supramental, ça peut pas remplacer une religion dans l'espace public, c'est impossible. Puis ça, c'est le buffet, l'assiette que se sont confectionnés le Québécois moyen, c'est des affaires dans ce genre-là un peu. Souvent, c'est une fricassée de ce qui fait son affaire. Puis ça peut pas remplacer, ça peut pas avoir la même force sociologiquement parlant. Même au contraire, ça devient tard. Puis, si des gens qui viennent ici se rendent compte qu'on se respecte même pas nous-mêmes, qu'on respecte pas notre mémoire, qu'on prend pas la place dans l'espace public, puis tout, et les autres, ils nous respecteront pas. D'ailleurs, ça s'essuie déjà les pieds un peu sur nous. Pourquoi? Parce que faut s'intégrer, c'est ça qu'on fait. On s'essuie les pieds sur nous-mêmes au niveau de notre supposée culture. Notre supposée culture, par rapport le sacrage, il dit c'est un langage de puissance. Pourquoi? Parce que Bernard a dit ça. C'est pas plus compliqué que ça, c'est parce que Bernard l'a dit. Donc, c'est vrai. C'est parole d'évangile. Bernard, c'est plus influent que les évangiles. c'est plus influent que les évangiles. Pourtant, au niveau des études comparées par rapport à différents peuples, les jurons dans le cerveau sollicitent pas les parties liées au langage, mais des parties liées à des instincts primaires. Des instincts primaires. Pourquoi en faire un langage de puissance, c'est quand on recadre quelque chose. C'est tout le temps une compensation. les jurons. Puis, au Québec, il y a eu la Révolution tranquille, puis il y a eu une sorte de... C'est comme si le peuple est entré dans sa crise d'adolescence. Fait que là, vous avez des affaires comme le Stitch Show, Jerry Boulet, là, tabarnak, puis toutes ces affaires-là, l'autre, l'amour au Christ. Mais ça, c'est typique de cette génération-là, qui n'est pas sortie de la crise d'adolescence. dans le sens qu'ils sont encore en révolte contre une société qui n'existe plus. C'est dommage, mais c'est ça. C'est une société qui n'existe plus. Vous êtes en révolte pour la forme. Comme il y en a qui sacrent pour la forme. Qui sacrent pour la forme, parce que c'est un langage de puissance. Je me souviens ici, il y en avait un bonhomme ben ben efféminé. Puis on s'amusait à le faire choquer parce que c'était toujours drôle de l'entendre sacrer. Parce que ça sonnait pas sérieux. Faut que ce soit spontané pour avoir à faire un choc. Vu la génération qui était les adultes quand moi j'étais enfant, j'ai entendu sacrer, puis sacrer, puis sacrer toute ma vie. C'est pour ça, à un moment donné, on est immunisé un peu. Ça peut pas faire des chocs. Surtout que je viens pas d'une famille où c'était réprimé tant que ça. Pas le sacrage. Pas tant que ça. J'ai vu des familles où l'enfant disait maudit puis il mangeait une claque sur la gueule. Ça, je l'ai vu. Puis le résultat est pas ben bon. Donc, j'ai des conseils. Quand je regarde aujourd'hui ce que ça a donné, des conseils, les claques d'en face. Est-ce que le sacrage, ça me dérange parce que ça me cause un choc? Non. Est-ce que ça me dérange tout court? Ça dépend le contexte. Il y en a qui vont dire, faut pas sacrer, il va arriver des malheurs, il va arriver des choses, tu vas être puni par les... Tout ça, je vois ça comme de la superstition. Je trouve ça ridicule. Mais je trouve ça tout aussi ridicule d'en faire un langage de puissance, de dire que c'est un langage de puissance. Est-ce qu'au niveau de ce que vous connaissez de notre société, c'est les gens des strates les plus élevées, est-ce que c'est eux qui font ça? Ou si c'est les basses couches? Parce que là, la fois, vouloir changer de vibration, changer de classe sociale, il faut commencer par avoir de la classe un peu. Hein? Puis, c'est pas dans le sens de devenir guindé, pas dans le sens de devenir artificiel, mais dans le sens que le sacrage, habituellement, est lié à un surplus puis à un manque de contenance. Un manque de contenance. Pourquoi qu'on se déspiritualiserait par rapport à une société que la spiritualité, c'est même plus celle-là? Elle a été faite, la révolte. Vous avez la génération Bernard, qui est un repositionnement philosophique, un questionnement, une remise en question. Ben après, vous avez la génération qui suit après. Qu'eux autres, ça fait rien. C'est en révolte contre ce qu'eux autres appelaient la grande noirceur. On ira en sortie d'une noirceur pour entrer dans une autre. Une autre noirceur qui se prétend de la lumière. Regardez les histoires là, que je vous dis de... d'eugénistes qui vont servir, entre autres, de la cybernétique puis de l'IA par rapport à... C'est les philosophes des Lumières de maintenant. Puis, leur pensée est bien plus proche de quelqu'un comme Bernard que de quelqu'un comme moi, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Parce que moi, j'ai tout à voulu juste une affaire, c'est vivre dans une société que je considère comme normale pour avoir la paix. Puis, je ne l'ai jamais eu. On est venu au monde comme moi, je suis venu au monde en plein pendant la satanique panique, que tout le monde parle rien de ça, puis toute mon enfance là, il a fallu que je fasse la part des choses. Il a fallu que je comprenne par moi-même. Prenez l'affaire, on parle encore d'ajusteurs de pensée. C'est des adventistes du septième jour qui ont canalisé la cosmogonie durantia, qui ont amené des termes comme ça. On pourrait même parler le mormonisme. Il y a même une influence de la scientologie. Mais le mormonisme, par exemple, moi, l'affaire là, que Bernard considérait que Joseph Smith avait réellement rencontré l'ange Moroni, je trouve ça en dit long. Après, lui, il dit de pas croire. Mais dans ce milieu-là, tout le monde croit. Là. C'est des croyants de Bernard. C'est pour ça que je vous dis que ses paroles sont paroles d'évangile. Ces paroles sont paroles d'évangile. À un moment donné, c'est correct d'être un temps d'incubation, d'être sous une influence, ou d'être, on pourrait quasiment dire, ensorcelé, d'être sous l'influence d'une figure charismatique. Mais ça, on peut pas s'arrêter à ça. C'est tellement dépassé maintenant. Moi, je considère que c'est rendu du niaisage, là. Pensez-vous réellement qu'à la fin du cycle, vous allez aller dans le Pacifique, puis les delphinoïdes vont vous conduire dans des centres souterrains d'initiation, ou que dans l'Himalaya, des yétis vont guider du monde, puis, qu'on va marcher un demi-jour de marche dans le tour de la Terre pour aller rejoindre des... C'est des affaires qui étaient populaires dans les années 60, 70, 80. Puis justement, ça correspond à la révolution tranquille, dans le fond, à partir de la fin des années 60. D'amener des affaires de main, c'était populaire, ça pognait. Mais aujourd'hui, des affaires de même. C'est pour ça que quand je vous dis quand la génération des baby boomers va être morte, du monde comme Bernard, là, ça va être niché, là, ça va être des affaires que la masse n'est pas au courant puis qu'elle s'en fout. Comme par exemple Samael Van Weor, puis des affaires de même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, c'est quoi ça va prendre pour un retour à la réalité? De redescendre sur Terre un peu? Parce que là, je me demande bien qui fait des chocs et qui. Je me demande bien qui c'est qui est astralisé ou pas, parce que c'est délirant. À un moment donné, c'est délirant. C'est rendu, on a de quoi en pleine face, mais on ne le voit plus. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Laissez-le faire, Trump, avec sa zone 1. Coudon, on sera toutes des zones 1. On sera toutes... C'est, dans le fond, est-ce qu'on peut empêcher ça ou pas? Moi, ce que je pense, c'est de les laisser faire parce que c'est pas viable. Tôt ou tard. La masse critique, ça va être ceux qui disent non. La vraie masse critique, puis là, qu'il va y avoir des vrais changements. Puis... Pour ce qui est du reste... C'est ingrat ce que je fais. Je peux, comme je vous dis, moi, je peux juste avoir des problèmes. Je peux juste avoir du monde qui m'haïsse. C'est comme les fois, je dis ceux là qui s'amusent avec la sorcière ou les affaires de même, attaquez-moi. Envoyez-y. Puis, là, ma conjointe n'était pas contente. Dis pas des affaires comme ça. Puis, ben oui, mais pourquoi j'ai pas peur? Selon vous. Parce que je pense que vous n'êtes pas capable, par des moyens de même. Il n'y a pas personne qui... Je me suis intéressé au Douala du Cameroun, puis ça a duré des décennies, et étudié un paquet d'affaires. Puis une affaire que j'ai tout le temps remarqué, c'est que faut y croire pour que ça aille réellement, en effet. Puis moi, ben je crois rien. C'est parable. Doxal, c'est moi qui passe pour un croyant. Mais dans le fond, comme je vous dis, vous avez remplacé Dieu par le principe de l'esprit et de l'intelligence cosmique. Vous avez remplacé les anges et les démons par des entités du bas et du haut astral. Vous avez remplacé la sorcellerie par des affaires de télépsychie et d'affaires de même. Mais quand vous pensez qu'il y a des effets à distance faits par moi ou par d'autres, c'est parce que vous délirez. Puis c'est possiblement d'origine psychosomatique. Ça, c'est... Je suis désolé de le dire, c'est ce qui est le plus plausible. Puis moi, à date, je veux dire, je pense qu'on peut parler une trentaine d'années à s'intéresser à des affaires de même. J'ai jamais vu de preuve du contraire réellement vérifiable. Donc, puis ce que je dis, ce que je fais, c'est par principe. C'est certainement pas par intérêt, n'est-ce pas? Calice de tabarnak, c'est mon territoire ici.